Institut Technologie de l'information et société de l'Université Laval. La conférence Regard sur une Rome virtuelle ou quand la 3D fait renaître le passé est une présentation de l'Institut Technologie de l'information et société, l'ITIS, de l'Université Laval, du Musée de la civilisation en collaboration avec le Laboratoire de muséologie et d'ingénierie de la culture, le LAMIC de l'Université Laval. Alors, comme vous allez voir, cette initiative, cette conférence, cadre bien en lien avec les activités de l'Institut Technologie d'information et société. Avant de céder la parole à M. Robert Vergneux et à M. Mathieu Rochelot, que je vous présenterai dans quelques instants, j'aimerais peut-être vous dire quelques mots sur cet institut tout à fait particulier. Alors, la suivante, M. Rochelot. Bon, alors, qu'est-ce que l'ITIS, qu'est-ce que l'Institut de technologie de l'information et société? D'abord, c'est un type d'organisation ou une structure tout à fait unique au Canada. Il y a seulement à l'Université Laval qu'on a décidé de fédérer toute la recherche dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Alors, c'est particulier à l'Université Laval, et comme vous allez voir, cet institut-là regroupe plusieurs champs de recherche et également plusieurs chercheurs et centres de recherche. Alors, l'Institut de technologie de l'information et société est riche de la recherche de 150 chercheurs dans le domaine des TI. C'est un institut qui fédère 28 centres et chaires de recherche, ainsi que des laboratoires également. Et il y a six grands axes de recherche ou filières d'excellence sur lesquelles nos chercheurs travaillent. Alors, on travaille en business, en e-business, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, en e-santé, on reçoit d'ailleurs une délégation de chercheurs de Bordeaux demain dans ce domaine-là, en culture, donc la culture numérique, en e-éducation, e-gouvernement et e-développement durable. Donc, nos chercheurs font des recherches dans tous ces secteurs-là. Bon, alors, dans le domaine spécifique de la filière e-culture, donc en culture numérique, il y a 28 chercheurs qui proviennent de 7 facultés. Alors, aussi particulier que ça puisse être, dans cette filière-là, il y a évidemment des gens de la faculté d'aménagement, architecture et arts visuels, on s'y attendrait, la faculté des lettres aussi, mais il y a plusieurs autres facultés comme sciences de l'éducation, faculté des sciences d'administration aussi, sciences et génie, géomatique. Donc, quand on parle de culture, on regroupe aussi les forces dans le domaine du numérique pour arriver à des projets concrets et porteurs. On peut revenir sur la précédente, j'ai pas tout fini. Donc, parmi les structures de recherche importantes que fédère l'ITIS sur le campus, il y a la nouvelle chaire de recherche sur les cultures numériques qui est présidée par le professeur Milad Douahi de la Faculté des Lettres. Depuis peu, il a organisé récemment un colloque sur les cultures numériques au Musée de la civilisation. Il y a d'autres centres de recherche en culture qui sont associés à l'ITIS, qui sont affiliés à l'ITIS, donc le Laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène, le LANTIS, le Laboratoire Ex Situ, dans le domaine des lettres, de la littérature, le Laboratoire d'enquête d'entrevues multimédia, le LEM, à la Faculté des Lettres aussi, et le Laboratoire de muséologie et d'ingénierie de la culture, le LAMIC. Alors, ce soir, le LAMIC est d'ailleurs un des partenaires de l'organisation de cette conférence. Mathieu? Alors, si vous vouliez davantage d'informations sur cet institut, on a un cycle de conférences qui présente beaucoup d'innovations dans le domaine des TI. On sait que c'est un domaine important en termes de transformation sociale et nos conférences portent soit sur des recherches ou des éléments d'innovation. On travaille beaucoup aussi avec les gens de l'entreprise, du gouvernement, pour essayer d'asseoir ou en tout cas, qu'il y ait des développements en lien avec cette recherche-là, des développements concrets. Donc, vous avez les informations pour nous rejoindre à l'ITIS de l'Université Laval. Et à la sortie, je sais qu'il y aura une feuille permettant de prendre en note les adresses électroniques des gens qui souhaiteraient recevoir le bulletin de l'ITIS. Alors, donc, tout le cycle de conférences qui se nomme les Midi Innovations en TI, qui ont lieu tout au cours de l'année. Et souvent, ça permet aux gens de visiter les laboratoires dans lesquels travaillent les chercheurs dans les différents domaines, en e-santé, e-business, gouvernement, alors toutes nos filières d'excellence, et e-culture, bien évidemment. Alors, ceci étant dit, ce soir, j'aimerais céder la parole à deux conférenciers. D'abord, M. Robert Vergneux, qui est ingénieur de recherche hors cadre au CNRS en France. Il est directeur d'Archéovision, la plateforme technologique 3D de l'Université de Bordeaux 3. Et il sera accompagné dans la présentation de M. Mathieu Rochelot, qui est étudiant au doctorat à l'Université Laval et à l'Université de Bordeaux 3. Alors, il travaille sous la supervision ou la co-tutelle de ces deux universités. Et il est chercheur associé au LAMIC, je crois, Mathieu? Oui, sous la direction de Philippe Dubé, notamment. Alors, je cède donc la parole à ces deux chercheurs qui nous présenteront donc les regards sur une Rome virtuelle ou quand la 3D fait renaître le passé. Merci. Merci, Madame Dorin. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus en si grand nombre pour nous entendre parler de 3D, de réalité virtuelle à propos de la Rome antique. Rapidement, le plan de la présentation. Donc, je vais commencer par faire un bref tour d'horizon des représentations de la ville de Rome, de la Renaissance aujourd'hui. On va faire ça quand même assez vite, pour attaquer ensuite le projet Rome Reborn, qui est le projet de 3D réalité virtuelle. Et ensuite, M. Vergneux va parler des modèles numériques 3D, donc comment on les fait à partir de l'exemple du Circus Maximus. Et si on a le temps, on va se rendre à la troisième partie. M. Vergneux va en expliquer un peu à partir du Circus Maximus, donc pourquoi on fait ces modélisations-là, à quoi ça sert. Et si on a le temps, on va voir d'autres exemples qui concernent la Rome antique également. Donc, étant historien de formation, j'ai le défaut d'aller voir dans le passé comment c'était avant de faire le saut dans le présent. Et c'est pourquoi, avant de plonger concrètement dans les représentations virtuelles de Rome, nous allons faire un retour dans le temps et vous présenter certaines des premières tentatives de description et d'illustration de la ville éternelle, qui sont un peu les précurseurs des projets technologiques d'aujourd'hui. Donc, l'idée n'est pas de donner un cours d'histoire, loin de là, c'est juste que ce retour en arrière va permettre de voir poindre quelques préoccupations qui sont encore actuelles. Car les restitutions virtuelles que nous allons voir ce soir découlent essentiellement des mêmes motivations que de celles qui ont conduit au projet de visualisation de la ville éternelle qui ont cours depuis le 15e siècle. Rome a en effet toujours fasciné les gens. Il y a toujours eu cette envie de la représenter dans son ensemble et de la visualiser. En ce sens, les projets qui peuvent paraître novateurs aujourd'hui ne le sont que du point de vue technologique. Depuis la Renaissance, des chercheurs et des passionnés ont tenté de représenter la ville et d'y saisir sa globalité à son état antique, en suivant les modes et les traditions, donc en commençant par l'écrit et ensuite à l'aide des arts, donc la peinture, la gravure, la sculpture, et en utilisant les dernières technologies disponibles, la boussole, le compas, durant la Renaissance pour faire des relevés, ou en utilisant la perspective pour représenter les bâtiments anciens. Plusieurs raisons expliquent pourquoi Rome est le sujet depuis plus de 6 siècles d'expérience pour restituer son visage antique de la part de tout type de spécialistes, donc que ce soit des architectes, des topographes, des archéologues ou des artistes. Et une des raisons initiales est que la redécouverte de l'Antiquité proprement dite, de l'existence d'un passé pré-catholique, si on peut dire, s'est faite à travers la redécouverte du passé de la ville de Rome elle-même. Elle a donc pris une importance sans égale pour accéder à ce passé. Et le premier à s'y intéresser de près est nul autre que Pétrarque, le célèbre poète et érudit du 14e siècle, qui avait comme grande passion la ville éternelle. Donc, il étudiait des auteurs anciens comme Cicéron ou Virgile, et il se mit à comparer les paysages qui étaient décrits par ces auteurs à ce qu'il pouvait encore admirer à son époque. Et c'est lui qui parle en premier de l'ancienne Rome, celle antique, en la distinguant de celle contemporaine de son époque, lorsqu'il écrit « Nommons ancien tout ce qui précède la célébration et la vénération du Christ à Rome et moderne pour tout ce qui existe jusqu'à nos jours. » Et ce projet, initié par Pétrarque de décrire et de tenter de reconstruire le paysage de l'Antiquité pour l'avoir à l'époque de son apogée, fut adopté par beaucoup de zèle, par les érudits lui ayant succédé. Cet intérêt a donc débuté un peu avant la Renaissance, mais c'est vraiment durant cette dernière que le mouvement prend de l'ampleur et qu'on s'intéresse de nouveau à l'Antiquité et plus particulièrement au passé romain. Donc, jumelé à l'effervescence de la Renaissance italienne qui débutait et à un intérêt généralisé ou renouvelé pour la culture classique, les arts et l'érudition, et qui a attiré plusieurs artistes à Rome pour s'inspirer des vestiges d'une autre époque. Donc, il y a plusieurs voyageurs qui sont venus pour en connaître davantage sur l'Antiquité et admirer ces chefs-d'œuvre d'un autre temps. Par exemple, Athènes est devenue une destination de prédilection semblable seulement au 18e siècle. Alors, l'Antiquité devenait un autre pays dans lequel il était possible d'y voyager à l'aide d'études, de travail et de recherche. Donc, pour ceux et celles qui voudront en savoir plus à ce sujet, l'exposition de Rome au Musée de la Civilisation fait très bien la mise en contexte de cette redécouverte de la Rome antique à l'époque de la Renaissance. Toutefois, c'est peut-être une raison plus rationnelle et pratique qui a mené tous ces artistes et chercheurs à mettre Rome en image. L'Encyclopédie Britannica a déjà caractérisé le Forum romain d'ossuaire le plus confus de l'histoire, donc traduction un peu de « the most confusing boneyard of history ». Donc, il n'est pas surprenant que des savants tentent d'y démêler l'ensemble des vestiges et des textes écrits faisant référence pour la reconstruire, pour y mettre un peu d'ordre, pour comprendre ses origines, son développement et sa grandeur. On n'a pas le temps de voir l'ensemble des représentations de Rome qui ont été faites, il y en a vraiment beaucoup. Et ce n'est pas le but non plus de notre présence. On va aller voir les projets virtuels plus rapidement. L'idée, c'est simplement de voir dans quel contexte s'inscrivent les projets de restitution de la Rome antique. Donc, dans cette optique, on va faire référence seulement à la première illustration qui tente d'englober complètement la Rome de l'Antiquité. Elle a été réalisée en 1561 par Piero Ligorio, qui est un architecte du Vatican, qui a réalisé une reconstruction topographique que vous voyez ici, intitulé « Antiquae Urbis Imago » et qui était constitué de 12 gravures d'environ 4 pieds par 5 pieds chacune qui s'assemblaient pour former un tout. Et cette représentation est entièrement ancrée dans le passé, contrairement à plusieurs initiatives antérieures qui mélangeaient les époques. Donc, on voyait souvent la ville moderne, mais avec les monuments anciens qui étaient encore présents à leur époque. Donc, pourquoi avoir choisi de parler de cette illustration en particulier? C'est qu'elle contient plusieurs innovations et s'appuie sur les connaissances les plus à jour. Elle est notamment basée sur le plan moderne et très précis de la ville réalisé par Leonardo Bufalini quelques années auparavant, en 1551. L'illustration de Ligorio est donc ancrée dans le réel autant qu'il était possible de l'être pour l'époque, réalisée avec les outils technologiques les plus avancés. Bufalini étant en effet un ancien architecte militaire, était donc familier avec les outils technologiques de son temps, comme le compas ou la boussole. Et c'est pourquoi sa carte est considérée comme un triomphe d'objectivité parmi les nombreuses autres qu'on peut retrouver aussi durant la Renaissance. L'illustration de Ligorio s'appuie également sur la connaissance de la topographie antique, à propos de quoi un ouvrage est publié pour la première fois en 1544 par Bartolomeo Marliani, Urbis Romae Topographia. Donc, vous voyez aussi une illustration à ce propos. Et la mise en image est rendue aussi possible avec les compétences artistiques à mettre en image l'architecture antique. Donc, on sait que durant la Renaissance, les artistes sont passés de longues heures à dessiner les monuments anciens comme le Colisée, le Panthéon, etc. De plus, l'illustration de Ligorio est particulièrement intéressante de notre point de vue, parce que plusieurs sites sont identifiés. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran le nom des monuments qui sont identifiés sur sa carte et qui permet à l'usager de prendre connaissance de ce qu'il regarde. Et ensuite, Ligorio n'a pas que représenté les monuments connus à son époque, il a aussi tenté de les englober dans une architecture vernaculaire afin de constituer un ensemble cohérent de la ville qui permette de mettre en relation tous les bâtiments connus. Il crée donc un précédent en réalisant un contexte global de la ville, bien que ce contexte n'était pas très authentique. C'est donc le premier exemple d'un plan d'ensemble de la ville qui se distingue des autres productions qui tentaient plutôt de représenter individuellement chacun des monuments anciens. Et cette innovation va influencer les représentations ultérieures de la ville éternelle. C'est un modèle qui va perdurer jusqu'au 18e siècle. Il y a eu environ 14 éditions de son travail. Ça a été publié plusieurs fois. Toutefois, cette carte, aussi impressionnante soit-elle, contient évidemment quelques lacunes de notre point de vue de chercheur aujourd'hui au 21e siècle. Ligorio a notamment mis dans son imago tous les édifices dont on fait référence dans les textes antiques, même si ceux-ci, bien évidemment, n'ont pas existé en même temps. Ce n'est donc pas une Rome à une date précise, mais une Rome qui n'a jamais existé, un peu intemporelle et aussi un peu difforme. C'est ce qu'avait aussi déjà remarqué Montaigne, un érudit, un écrivain français, lorsqu'il souligne l'anomalie. Donc, lui est allé à Rome en 1581, il y a rapporté ses écrits dans son journal de voyage, et c'est son secrétaire, en fait, qui écrit « Il semble que seuls deux tels bâtiments puissent tenir en tout l'espace du mont du Capitole, où il y avait bien 25 ou 30 temples, outre plusieurs maisons privées. Mais à la vérité, plusieurs conjectures qu'on prend de la peinture de cette ville ancienne n'ont guère de vraisemblance. » Enfin, et dernière lacune qui ne sera jamais comblée par les ouvrages semblables subséquents, c'est que la carte n'est accompagnée d'aucune explication. Donc, il est impossible de savoir ce qui est connu de façon certaine et ce qui est un peu de l'invention ou de la pure imagination de la part du chercheur. Mais bon, tout cela concorde avec le contexte de l'époque. Dans les travaux de scientifiques, les savants du 19e ou même le 20e siècle, avant le 20e siècle, c'est quand même très rare de voir tout l'apparat critique avec les sources mentionnées et pour savoir sur quoi ils se sont basés pour faire leurs travaux. Donc, on va faire un saut dans le temps, donc environ 350 ans plus tard. Il serait impossible de faire le tour de tous les artistes et savants qui eurent comme projet de représenter la Rome antique, car à chaque génération, le processus de création se refait pour l'actualiser avec les dernières connaissances et avec les dernières tendances ou innovations technologiques. Donc, quelques centaines d'années plus tard, il y a un autre type de représentation qui prend le relais, et ce sont les maquettes tridimensionnelles. Il y a deux maquettes qui représentent Rome à son apogée à l'époque de Constantin, comme la plupart des représentations qui sont faites de Rome depuis la Renaissance, donc c'est toujours à l'époque de la Rome impériale. La première maquette, c'est celle de Paul Bigot, qui est un architecte, ancien lauréat du prix de Rome en 1900. Donc le prix de Rome, c'était un prix qui permettait aux meilleurs artistes français d'aller à Rome pour parfaire leur apprentissage. Et Bigot a commencé à réaliser la maquette l'année suivante, en 1901. Elle représente les 3/5 de la ville à une échelle d'environ 1/400. Mais quand même, pour une échelle d'un 1/400, la maquette fait environ 70 mètres carrés, 11 mètres par 6 mètres environ. Le plan de Rome, donc le nom donné à son œuvre, a été exposé une première fois en 1911 à Rome, bien qu'il poursuivit son œuvre durant toute sa vie par la suite pour la mettre à jour des dernières connaissances. Et sa maquette est aujourd'hui classée monument historique. La deuxième maquette, c'est celle d'Italo Gismondi, intitulée la Plastico di Roma Antiqua, qui a été commencée un peu plus tard, vers 1933, alors que Gismondi est le superintendant des antiquités de la ville de Rome. Et cette dernière est également faite de plâtre, comme celle de Bigot, et est encore plus grande à l'échelle 1/250. Donc, vous voyez un peu la grandeur que ça a. Ça fait 16 mètres par 16 mètres. Mais ça ne l'a pas empêché de réaliser avec un souci du détail hors du commun. Pour vous donner une idée, ceux qui sont allés voir l'exposition sur Rome, 1/250, c'est l'échelle de la maquette de la basilique Saint-Pierre, qui était quand même assez grosse. Donc, imaginez la ville au complet à cette échelle-là. C'est assez gigantesque. Et fait intéressant, cette maquette est aussi une demande directe de Mussolini pour commémorer la naissance d'Auguste, le premier empereur romain, 2000 ans auparavant. Donc Auguste était né en -63 et Mussolini envisageait donc un certain délai de fabrication. Et pour cause, ça a pris environ une quarantaine d'années à compléter, pour que Gismondi complète sa maquette. Donc ça a été terminé en 1974. Et en lien avec cette maquette, je souligne aussi que vous avez la chance d'en voir une semblable à moindre échelle à l'exposition au Musée de la Civilisation. L'échelle, c'est 1 pour 1800, et qui était réalisée par André Caron, qui est exposé au musée. pour la durée de l'exposition et pour laquelle celle de Gismondi a servi d'inspiration et de référence. Mais c'est aussi avec regret qu'on se rend compte rapidement que ces œuvres d'art ne sont aucunement accompagnées de documentation ou d'explication, comme pour la représentation de Ligorio. On ne sait donc pas sur quoi il s'appuie pour combler le vide des sources archéologiques et des sources littéraires. Nous savons qu'ils se sont appuyés sur des documents importants, comme la Forma Urbis Romae, qui est un plan en marbre de Rome, qui date de l'époque de Sévère Septime, donc entre le fin deuxième et début troisième siècle après Jésus-Christ, et qui a été découvert en 1562, donc tout juste après la création de Ligorio, et dont il ne reste environ que 12 à 15% des morceaux. Donc même à la découverte, en fait, il ne restait que 12 à 15% des morceaux. Mais le plan est excessivement détaillé, comme vous pouvez en témoigner avec cette image. Néanmoins, pour créer une ville entière, il devient difficile de savoir où s'arrête l'aspect scientifique et où commence l'imagination du chercheur. Par exemple, un chercheur américain a réussi à soutirer quelques confidences de l'assistant de Gismondi, qui a travaillé durant toutes ces années à la création de la maquette, et le chercheur, James Packer, écrit que, à propos de la maquette de Gismondi, toutefois aucun scientifique n'a pu déterminer l'ensemble des sources sur lesquelles il s'est appuyé. Néanmoins, M. Di Carlo, son assistant, m'a confessé il y a un peu plus de trois décennies que plusieurs sections de la maquette incluent un po' di fantasia, donc un peu de fantaisie. C'est donc dans ce contexte que les chercheurs ont entrepris de modéliser virtuellement en trois dimensions la ville antique de Rome vers la fin des années 90. Donc, rapidement, pour faire un résumé du contexte, il n'y a aucune restitution qui n'est vraiment fiable d'un point de vue scientifique, car aucune source n'est mentionnée, ce qui laisse une trop grande part d'imagination, donc ce qui fait qu'il n'y a aucune crédibilité pour la recherche. De plus, évidemment, il y a seul un emploi limité des maquettes est possible par rapport au virtuel. Évidemment, ils n'ont pas fait, par exemple, l'intérieur des bâtiments. Et le tout est fixé dans le temps, donc il n'y a pas d'évolution possible, à moins de la refaire plusieurs fois, comme Paul Bigot l'a fait. Donc il y a plusieurs maquettes, en fait, Bigot. Il n'y en a pas juste une qui a été transmise jusqu'à nous. Et de toute façon, ce sont devenus des monuments historiques, donc on ne peut pas les modifier ou les changer. Donc on comprend l'engouement pour une entreprise virtuelle, d'autant plus que les chercheurs d'aujourd'hui font face aux mêmes défis que leurs prédécesseurs. Rome reste un endroit où s'entremêlent de multiples vestiges d'époques différentes qui sont difficiles à saisir en un tout cohérent sans aide à la visualisation. Rome reste donc un cas école où la complexité et la grandeur du site en fait le sujet parfait, tout comme son évolution sur plusieurs siècles où il est possible de tester les limites des technologies. Technologiquement parlant, c'est tout de même depuis la fin des années 80 que la 3D fait ses preuves en archéologie et en patrimoine. En dehors des cercles fermés universitaires, on en entend parler depuis peu, mais ça existe depuis un bon moment. Il y a un groupe de chercheurs français, par exemple, dont fait partie M. Vergneux, qui l'utilise depuis 1985 à Karnak, en Égypte, pour essayer de mieux comprendre le complexe religieux. Mais c'est réellement au tournant du millénaire que l'emploi de la 3D devient un sujet très à la mode, très prisé par les chercheurs et aussi par les gens qui s'intéressent à la conservation du patrimoine, etc. Néanmoins, ça n'empêche pas que les maquettes du milieu du 20e siècle doivent toujours jouer un rôle prédominant dans les projets de restitution virtuelle et plus particulièrement dans le projet le plus important de modélisation 3D de la ville antique de Rome, Rome Reborn, pour lequel la maquette de Gismondi a servi de base et de catalyseur du projet. Donc, qu'est-ce que Rome Reborn? En fait, c'est un projet de restitution virtuelle de Rome qui est possible de parcourir directement dans Google Earth, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez vous procurer facilement sur Internet. Et le Rome Reborn, en fait, est inclus dans Google Earth. Vous n'avez pas à le télécharger, c'est juste une petite case à cocher. Et vous pouvez aller, après un long téléchargement, aller le parcourir. Et on peut aussi accéder à plusieurs informations concernant les édifices restitués. Dans ce projet dirigé par des universitaires américains, le rôle de la maquette de Gismondi est direct. Donc, bien qu'ils aient commencé à modéliser entièrement à la main, si on peut dire, le Forum romain en 1997, à UCLA, donc une université de Californie, le projet de Rome Reborn prend réellement vie autour de la numérisation au laser complète de la maquette de Gismondi. Donc, pourquoi numériser la maquette de Gismondi? C'est que les chercheurs ont le même objectif que Piero Ligorio, à savoir d'être en mesure de présenter un contexte global de la ville dans lequel sont ancrées les modélisations plus fines concernant les monuments qui sont aujourd'hui encore bien connus et pour lesquels on a des sources anciennes sur lesquelles nous appuyer pour faire des restitutions. Donc, on va revenir plus tard sur tout ce procédé-là. Et c'est en 2007 que sort la première version complète de Rome Reborn, la version 1.0. Il y a eu d'autres versions. On est rendu à la 2.1, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et l'objectif principal est de créer un modèle 3D de la Rome antique qui s'approche le plus possible de ce à quoi elle ressemblait en l'an 320 après Jésus-Christ, lors du règne de l'empereur Constantin. Ils ont aussi comme ambition, et c'est le cas de le dire, ils ont énormément d'ambition, de créer un modèle virtuel évolutif de la fin de l'âge du bronze, donc 1000 ans avant Jésus-Christ en ce qui concerne l'Italie, et jusqu'au milieu du 6e siècle après, donc au tout début du Moyen Âge. Donc, il s'agit de couvrir au minimum 1500 années, ce qui est un projet assez gigantesque. Ils savent que ça va prendre plusieurs années, que ça va s'échelonner de, probablement au-delà de 40 ans, comme cela a pris à Gismondi pour faire sa maquette. Donc, une question fondamentale avant de plonger, c'est que les projets qui représentent Rome, représentent Rome toujours à la même époque, donc toujours vers 320, lors du règne de Constantin. Donc, pourquoi c'est toujours à cette époque-là? C'est très simple, c'est que c'est l'état la plus achevée de la ville, à son apogée, au maximum de son développement urbain. Il y a peu de bâtiments civiques qui ont été construits après cette date. Rome avait alors une population estimée d'environ 1 million de personnes, était remplie de merveilles architecturales, et le pillage des barbares n'avait surtout pas encore commencé. Ainsi, cette période de l'histoire de la ville représente celle pour laquelle les traces archéologiques sont les plus nombreuses et évidentes, ce qui permet d'ancrer le plus possible le modèle dans la réalité du terrain et de présenter la ville avec un niveau d'authenticité maximum, du moins comparativement avec les époques précédentes. Ce qui n'est pas le cas de la Rome républicaine. Par exemple, pour les représentations de la Renaissance, ça s'explique facilement. Il n'y avait aucune connaissance de cette période avant le début du 20e siècle, quand ont commencé les fouilles sur le forum. Et tandis que pour la Rome archaïque, qui est une époque encore plus tardive, puisqu'il faut descendre encore plus bas dans le sol, les fouilles n'ont réellement commencé qu'il y a environ 25 ans. Sans compter la difficulté de la tâche, donc à certains endroits, les archéologues doivent creuser jusqu'à 16 mètres sous le niveau actuel pour se rendre aux premières couches. Donc, ce qu'on voit ici, on est à 2-3 mètres, donc ça vous donne une idée de la tâche pour se rendre à 16 mètres. Pourquoi je vous parle de tout cela? C'est que tout travail de représentation crédible doit être ancré dans la réalité du terrain. Donc, jamais la technologie ne va pouvoir remplacer cette réalité. Et tout travail de restitution scientifique doit être effectué dans cette réalité archéologique. Et quand il manque des sources pour compléter le modèle, ce qui arrive toujours, on a toujours un problème de sources en histoire, le chercheur va faire des parallèles avec des bâtiments semblables de la même époque ou du même style. Il va fonctionner par comparaison. Sinon, c'est un peu de la fantaisie. Mais dans tous les cas, il s'agit de savoir quand commence et arrête cette fantaisie. Alors, pour Rome Reborn, où se termine la valeur scientifique et où commence la fantaisie? C'est assez simple. L'équipe qui est maintenant basée à l'Université de Virginie a identifié deux types de bâtiments pour restituer la Rome antique. Il y a d'un côté ceux pour lesquels nous avons des sources anciennes sur lesquelles nous appuyer, donc des sources archéologiques, des sources écrites, des sources numismatiques, donc les pièces de monnaie, ou des sources épigraphiques, des textes qui sont inscrits sur la pierre. Et ce sont, par exemple, des monuments tels que le Colisée, la colonne de Trajan, l'Arc de Triomphe de Constantin. Donc, ce sont des monuments identifiés dans le modèle comme étant ceux de classe 1. Et les autres sont dits de classe 2, pour lesquels nous n'avons qu'une idée approximative de leur nombre et de leur distribution dans l'espace, connue notamment grâce à deux remarquables catalogues du 4e siècle, provenant de l'administration civile romaine. Et chacun de ces textes dresse la liste de l'ensemble des bâtiments de la ville, district par district. Il y avait 14 districts à l'époque de la Rome impériale. Et c'était classé selon leur type, donc si c'était des appartements, des maisons privées, des bains publics, des entrepôts, etc. Il y a 265 bâtiments qui appartiennent à la classe 1 et environ 7000 à la classe 2. Et sur les 265 connus de la classe 1, donc suffisamment bien connus par les sources anciennes, environ seulement 40 ont été modélisés à ce jour. Ça vous donne quand même une idée de l'ampleur de la tâche pour restituer la ville de Rome en entier sur plusieurs années, surtout lorsque l'on sait que ça a pris environ 8 ans pour le seul Circus Maximus que M. Vernieu va vous présenter dans quelques instants. Pour les milliers d'autres monuments, les spécialistes ne peuvent savoir où ils étaient situés exactement et ce à quoi ils ressemblaient. Donc l'idée que l'équipe de Rome Reborn a eue, ça a été de numériser la maquette de Gismondi pour qu'ils puissent, en partant, baser leur modèle du 21e siècle sur l'héritage de tous les travaux faits au 20e siècle et auparavant. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la maquette, c'est le résultat du scan de la maquette sur laquelle est basée la restitution. Et pour y arriver, toutefois, ça n'a pas été aussi simple que de la scanner, même si c'est déjà une opération assez considérable. On ne va pas entrer dans les détails, car ce sont des opérations assez techniques. Mais disons simplement qu'ils ont dû substituer les données acquises par la numérisation laser par une série de formes simplifiées pour ne pas alourdir le modèle inutilement et avoir des représentations les plus justes possibles géométriquement. Donc les formes acquises ont ici pu se réduire à 38 modèles géométriques, très simples. Il a été possible de répéter et recombiner à leur guise pour redonner l'aspect initial de la maquette. Le modèle de Rome Reborn en est donc un hybride avec une quarantaine de monuments modélisés à la main par des experts qui se retrouvent au sein de 7000 autres composés de formes géométriques simples dérivées de la maquette et placées en suivant les deux catalogues romains qui font l'inventaire des édifices de la ville au IVe siècle. Ce n'est pas tout. Donc la version que vous voyez, c'est la version 1.0 qui a été lancée en 2007. Elle comporte évidemment quelques faiblesses. Si vous allez sur le site web, comme j'ai dit tantôt, vous allez voir qu'on est rendu à la version 2.1. Donc, dans les dernières années, ils ont considérablement amélioré l'aspect réaliste des bâtiments de classe 2 grâce à une technologie que nous nommons modélisation procédurale. Au lieu de représenter les détails architecturaux à l'aide de textures, comme vous voyez à gauche de l'écran, qui sont en réalité des photos ou des images qui sont plaquées sur les volumes pour représenter des fenêtres, des balcons, des portes, des colonnes, ils sont maintenant capables de représenter en trois dimensions grâce à la modélisation procédurale qui est le résultat à votre droite. Donc, au lieu d'un cube plaqué avec des images qui créent une sorte de fausse 3D, les structures sont réellement en trois dimensions. Donc, comment ça fonctionne? C'est le bout le plus technique. Avec une grammaire de base de forme possible et assurée, donc combien de fenêtres... il y a une petite vidéo qui va vous allez voir au fur et à mesure comment ils le font. Donc, à l'aide d'une grammaire de base de forme possible assurée, donc combien de fenêtres, de portes, de colonnes, quelle hauteur, etc. Un peu comme il a été fait pour simplifier la géométrie du scan de la maquette de Gismondi, ils ont pu générer l'ensemble du modèle virtuel pour les bâtiments de classe 2 de manière automatique, en trois dimensions, en suivant les paramètres indiqués par l'équipe scientifique. Ils ont donc pris le modèle simplifié de forme géométrique de la version 1.0, sans les textures, donc on a donc les volumes qu'on a pu voir dans la vidéo, pour y appliquer une décoration et des caractéristiques tridimensionnelles. Donc, ils ont pu le faire non seulement pour l'architecture vernaculaire, donc ce que vous voyez ici, mais aussi pour des temples, en suivant les règles de proportion de Vitruve, qui est un architecte romain qui nous a transmis les concepts de base de l'architecture antique romaine. Donc, en modifiant quelques paramètres, on peut passer d'un temple ionique, donc ce qu'on voit à l'écran, à un temple corinthien, c'est ce que la personne à l'écran est en train de faire. Et on peut ainsi générer une ville de manière automatique. Rome Reborn s'appuie donc sur les dernières technologies, de même que sur l'ensemble de la connaissance que nous avons de la Rome antique, héritée des travaux de nombreux savants depuis plus de 600 ans, à la différence que leur façon de procéder permet de savoir où commence et où se termine le « un peu de fantaisie » dont l'assistant de Gismondi a eu le courage de faire part. Donc, elle ne concerne que les bâtiments de classe 2 que vous voyez ici, non modélisés à la main, qui peuvent maintenant être générés automatiquement pour remettre dans leur contexte les bâtiments entièrement faits à la main, comme le Circus Maximus que vous voyez ici, dont M. Vergnieux va vous parler à l'instant. Très bien. Donc, tout d'abord, si vous précisez dans quel contexte ces travaux ont été faits. Donc, ils ont été faits dans la plateforme technologique 3D du CNRS appelée Archéovision, qui est basée sur le campus universitaire de Bordeaux, et qui a une particularité tout à fait unique en France, c'est que l'équipe est dans un bâtiment qu'on appelle l'Archéopôle, et qui est un laboratoire de recherche dans lequel on peut recevoir du public qui vient voir la recherche en train de se faire. Donc on peut l'accueillir dans le contexte de notre équipement. Alors l'équipement, eh bien, nous avons une salle de réalité virtuelle qui permet de recevoir le public d'une part, mais également qui est une salle dans laquelle on organise les séminaires de recherche pour la modélisation 3D et pour la validation des modèles sur lesquels nous travaillons. Je vais revenir dessus. Également un plateau de production 3D qui est associé, qui est dans ce bâtiment. On dispose de scanners laser et d'une puissance de feu assez importante, puisqu'on a la chance de pouvoir bénéficier des clusters de la physique nucléaire, de la recherche française. C'est-à-dire que toutes nos données, et quand on a besoin de puissance de calcul, on peut utiliser ces installations qui, effectivement, disons que des archéologues ne peuvent pas financer, mais que nos partenaires de la physique nucléaire peuvent nous prêter. Alors avec tout ce matériel, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on travaille, on est impliqué dans de très nombreux de projets recherche en 3D, c'est-à-dire chaque fois qu'on travaille sur un site archéologique, c'est parce qu'il y a une équipe scientifique en charge du site archéologique et qui a des objectifs de recherche qui vont bénéficier, qui vont avoir besoin de la 3D. Donc c'est à ce niveau-là qu'on intervient systématiquement. Alors on balaye un spectre très large qui va de la préhistoire jusqu'à l'archéologie industrielle. Moi-même, je suis égyptologue, mais disons, je pilote tout ça sur les aspects méthodologiques 3D et comment organiser ces types de recherche. Alors pour revenir au sujet de ce soir et de l'exposition, c'est pour le Circus Maximus. Donc on va prendre cet exemple-là et je vais vous montrer un peu quelques pistes et quelques façons nous avons de travailler. Bon, vous connaissez, je pense, tous à peu près le site du Circus Maximus où se déroulaient donc ces courses de chars célèbre. Eh bien, on va utiliser toutes les données archéologiques potentielles du site habituel, et puis également les représentations iconographiques, comme ici la mosaïque de Piazza Armerina, par exemple, parmi des centaines et des centaines de documents, où vous avez la représentation d'une course de chars avec des informations très très pertinentes et très très précises sur les édifices qui composaient le Circus Maximus. Alors, ces données-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on les installe dans des bases de données un peu spécialisées, où on va collecter toutes les informations in situ qui peuvent nous apporter des informations précieuses pour restituer ou pour positionner des éléments de l'édifice. On travaille évidemment, on choisit une date sur laquelle on travaille au IVe siècle, et puis après on va pouvoir faire l'étude chronologique, mais donc je parlerai ce soir que d'un aspect, une date précise. Les données iconographiques sont réparties dans des bases de données, sont éclatées dans des bases de données, afin qu'on puisse identifier chacun des éléments représentés sur l'ensemble des données iconographiques. Également, les vestiges éparses sont répertoriés, pouvant amener des informations sur l'architecture de l'édifice. Tous les sondages, toutes les fouilles qui ont été faites, donc on récupère tous les plans. Donc ça, c'est évidemment l'équipe en charge du site qui nous confie ça. Dans le cas du Circus Maximus, avec la surintendance communale de Rome, nous avons eu accès à toutes les données. Évidemment, c'était fait en partenariat avec eux. Et également des données non publiées, enfin tout ce qui était dans les tiroirs nous a été confié. Et également les données plus récentes qui peuvent être des gravures, des représentations, on va dire, pré-photographiques et des photographies anciennes. Donc toutes ces informations-là, dans un premier temps, on va la digérer de façon pas bête. On va essayer de travailler un peu intelligemment avec ça pour obtenir un premier modèle numérique. Ce premier modèle numérique, nous on l'appelle en version V1, C'est-à-dire un modèle comme celui-ci du Circus Maximus, en modélisation, c'est une personne, une année à temps plein pour faire ce modèle. Mais ce modèle, scientifiquement, ne tient pas la route. C'est une première approche, mais il faut absolument la réaliser pour qu'on puisse commencer à en discuter. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas ce modèle 3D, on ne va pas pouvoir bien réfléchir sur tel point, tel autre point, tel autre point. Donc on va faire ce premier modèle, et c'est celui-ci, progressivement, on va le faire évoluer, point par point, des séances de travail, on retravaille sur le modèle, on le fait évoluer, etc. Et petit à petit, on va avancer l'ensemble du monument vers une situation mieux maîtrisée scientifiquement, avec des bouts qui vont être, qu'on appelle en version V3, c'est-à-dire qui vont être calé scientifiquement, c'est-à-dire, voilà, on a trouvé, on ne peut pas aller plus loin, et puis d'autres endroits qui vont rester sous la forme d'hypothèses plus ou moins plausibles, et comme l'a rappelé Mathieu tout à l'heure, on va surtout chercher des parallèles pour avoir des informations en termes de dimensions, en termes de possibles, et au fur et à mesure des découvertes à venir ou des études qui sont en train de se faire, on va pouvoir affiner et de plus en plus spécifier les endroits. Alors, entre le modèle que vous apercevez ici, où il y a pas mal d'imperfections, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas fait volontairement, c'est parce que c'est tellement vaste, c'est très difficile de tout maîtriser. Donc, entre ce modèle-là et celui-ci, il y a 8 ans de différence. 8 ans d'un travail scientifique, alors évidemment pas quotidien, mais on va organiser ça avec des ordres du jour, avec un rythme de travail. Et nous, avec mon équipe, donc, on va faire travailler tous ces projets en parallèle. Donc il y a le Circus Maximus, mais en même temps, il y a plein d'autres projets qui avancent aussi à leur rythme. Et nous, on va être un peu un centre d'aiguillage, un centre technique qui va aider à l'émergence de ces modèles. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc, on a évoqué la Forma Rubis, qui est évidemment un document très important pour Rome, puisque c'est un plan fait par les Romains. Donc, c'est quand même de l'information de premier choix. Donc, on va retravailler dessus. On va essayer d'affiner les éléments, comprendre comment ils sont organisés. Ici, on est au niveau du Pulvinar, enfin de la loge impériale. Donc, on essaye d'en percevoir l'organisation. On va avoir un modèle, le modèle, on le passe dans notre salle de la réalité virtuelle où on va faire venir en fonction de l'ordre du jour des spécialistes, des historiens, des collègues archéologues qui vont renforcer l'équipe ponctuellement à certains moments. Ensuite, les modèles sont affinés en fonction des résultats qui sont donnés dans le contexte de la salle de réalité virtuelle. Et puis, petit à petit, voilà, le modèle se précise, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Alors, pendant ces séminaires, en prenant un exemple plus pointu, sur l'organisation des travées des gradins, je vais vous montrer un exemple où on a dû le modifier, comment on l'a modifié et pourquoi on l'a modifié. Ça, ce sont des plans qui proviennent des antiquités de Rome, qui étaient faits par sur le site, sont dérelevés sur le site les travaux qui ont été faits. Et puis, on s'est rendu compte, donc, vous voyez, là, vous avez un profil, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le profil des gradins sur lequel on travaillait. Ça faisait à peu près 6 ans qu'on était avec ce profil, qui était en coïncidence avec toutes les données iconographiques, les données archéologiques. Donc tout allait bien jusqu'au jour où, dans le contexte d'un séminaire, on s'est rendu compte que la mosaïque de Luni, que vous avez représentée en haut, posait un problème, puisqu'il apparaît... Vous voyez, vous avez les vomitoires pour l'arrivée des personnes sur les gradins. Vous avez la rangée des jaunes, celle qu'on a soulignée en rose. Et puis vous avez deux niveaux, un niveau bleu. Et le niveau bas en vert ici n'était pas dans notre profil. Donc plutôt que de penser que c'était les Romains qui s'étaient trompés dans la mosaïque, on a préféré penser que c'était peut-être nous qui n'avions pas tout compris. Et en reprenant les données, ça nous a obligés à repartir pour comprendre comment ceci pouvait s'intégrer dedans, à repartir sur l'ensemble de la structuration de toute l'architecture de chacune des travées, comment, parce que ça s'organise par rythme de 3, donc comment ça s'organisait, comment on pouvait les agencer différemment pour que ça puisse également intégrer la composante de la mosaïque de l'Uni. Donc vous voyez, c'est du travail quand même lourd et fastidieux, et impliquant un retour sur le site, avec nos collègues de Rome pour vérifier ces éléments-là. Et on s'est rendu compte, enfin, qu'il y avait une solution avec un palier intermédiaire qui permettait d'avoir effectivement une série de vomitoires supplémentaires et, par chance, à un endroit sur la partie la plus à l'est du Circus Maximus, eh bien, il restait des traces archéologiques de ce palier qui étaient encore conservées. Et à partir de ça, ça nous a permis d'arriver sur un nouveau profil de gradin qui tient compte de ce palier qu'on avait raté pendant 6 ans. Et maintenant, effectivement, on est sur un profil qui coïncide et qui est en accord avec les données archéologiques, toutes les données iconographiques en notre possession, et éventuellement les vestiges archéologiques avec ce palier qui est venu intermédiaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail que je viens d'évoquer devant vous, c'est un travail qui est fait sur l'ensemble du site et qu'on fait sur tous les modèles numériques 3D. Donc là, j'insiste un peu, c'est que réellement, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à fabriquer des objets qui deviennent utiles pour la recherche, qui nous permettent d'avancer, puisqu'on va arriver à attraper de l'information qu'on aurait beaucoup de mal à attraper autrement. Donc c'est également une des grandes différences que l'on constate avec la maquette en dur, c'est que dans ces modèles, on va pouvoir circuler à hauteur d'homme, on va pouvoir les vérifier dans les coins, alors qu'évidemment dans la maquette en dur, très souvent les intérieurs ne sont absolument pas traités, hein, ce que là, Gismondi, toutes les maquettes de Rome, vous n'avez aucun détail intérieur, donc la 3D va nous permettre d'aller assez loin, parce que des détails intérieurs, ça va vous indiquer que des solutions extérieures sont impossibles. Puisque sur le plan architectural, vous ne pouvez pas fabriquer un intérieur qui va vous donner cet aspect extérieur. Donc là, il y a plein d'éléments 3D qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Toujours sur le Circus Maximus, on avait encore un problème assez important, c'est qu'entre les différents plans que la surintendance nous avait fourni, avec des plans qui étaient publiés, avec des choses que nous-mêmes nous avions dans les tiroirs, on avait un problème de coïncidence, enfin de divergence plutôt sur les dimensions. Et on n'arrivait pas à faire cadrer tout ça, donc on avait un problème sérieux sur la largeur de la piste et un problème sur la largeur de la spina, qui est l'arête centrale du circus. Eh bien, nos collègues italiens, très gentiment, et surtout ils ont trouvé les sponsors correspondants, ce qui était encore plus exceptionnel, ont fait réaliser 7 sondages dans le Circus Maximus, sur le site du Circus, pour arriver à trouver ces informations-là. Alors, pourquoi est-ce que c'était très compliqué ? Le Circus Maximus, toutes les données archéologiques du Circus Maximus sont à peu près à 10 mètres sous terre, hein, ce qu'a évoqué Mathieu tout à l'heure. Donc sur Rome, on a la Rome antique qui est assez profonde. Et le Circus Maximus est dans l'eau, dans la nappe phréatique. Et c'est impossible pour fouiller. Et faire des sondages, eh bien, il faut installer des pales-planches, il faut mettre des pompes pour arriver à avoir récupéré l'information archéologique qui est dans le fond. Et vous voyez bien, c'est très difficile. Eh bien, nos collègues donc italiens nous ont proposé ça et on a pu mettre en place cet sondage qu'on aperçoit ici, avec des sondages également sur les parties hautes, ce qui nous a permis de caler tout à fait les dimensions du modèle numérique 3D. Il est tellement bien calé que l'année d'après, nos collègues italiens ont fait des fouilles vers le secteur de l'arc de Titus, où là, il n'y a pas de nappe phréatique, c'est juste au niveau où on peut fouiller, et ils se sont calés sur le plan qu'on leur a fourni à partir du modèle numérique. Donc on était assez intéressant, parce que c'est une des premières fois où on avait cette adéquation complète entre le modèle virtuel et la réalité du terrain. En général, tous les gros problèmes, tous les gros projets, une fois qu'on a atteint un palier scientifique, on organise un colloque international, quand c'est des gros projets, qui vont permettre de faire le point sur l'état de la question avec une publication de ce colloque. Donc ça, c'est à peu près, disons, dès qu'on a un gros dossier avec beaucoup de scientifiques impliqués dedans, c'est ce que l'on fait. Alors maintenant, un aspect qui est très important sur l'usage de la 3D. C'est dans mon équipe et de plus en plus de partout, on finit par faire école. L'objectif que nous avons quand nous travaillons en archéologie, là, avec des modèles numériques 3D, nos objectifs, c'est jamais de faire un modèle numérique 3D. Notre objectif, c'est de comprendre un site archéologique antique et surtout, à travers ça, comprendre l'utilisation des édifices qui avaient été créés et comprendre les sociétés qu'ils ont fait fonctionner. Donc notre objectif, c'est comprendre les sociétés anciennes, c'est pas de faire de la 3D. Et à ce titre-là, le modèle, donc plus on l'affine, plus il va être précis, plus on va pouvoir l'utiliser pour faire un peu d'expérimentation dessus, toute proportion gardée, comme les physiciens. On va pouvoir tester des choses, valider des hypothèses de fonctionnement, comprendre le fonctionnement. Alors, dans le cadre du Circus Maximus, pour donner quelques exemples, une course de chars, vous savez, c'est à peu près une course de Formule 1, de voiture de course, quoi. Les chars sont réellement travaillés par des équipes pour qu'ils arrivent premiers, donc il y a toute une organisation. Et comprendre une course de chars, c'est très très complexe. Et donc c'est intéressant de se pencher sur les points de vue. Donc là, vous avez les points de vue du conducteur de chars. Donc qu'est-ce qu'il voit? Où est-ce qu'il va voir les éléments de son équipe? Les Sparteresses, par exemple, qui viennent jeter de l'eau pour rafraîchir les chevaux, ça correspond à la course de Formule 1, avec quand on vient faire le ravitaillement d'essence, quoi. Donc c'est spectaculaire, donc il va y avoir du spectacle autour de ça, mais c'est également très important pour gagner la course. Donc il y a tous ces éléments-là qui se mettent en place et qui sont difficiles à comprendre. Enfin, nos collègues latinistes et spécialistes de Rome savent bien comment ça fonctionne, mais là, on va aller plus loin, parce qu'on va pouvoir se mettre en situation et du coup mieux comprendre les sources anciennes, mieux comprendre ce qu'elles nous disent, en fin de compte. Également la position des juges, où sont placés les juges. Parce que là, comme pour la Formule 1, il faut réellement vérifier si tout se passe bien, mais il n'y a pas de toki-woki ou d'électronique. Donc tout va être visuel. Alors ces bâtiments, s'il y a un étage, ce n'est pas pour rien, parce qu'on va mettre un juge dessus. Les œufs qui servent de contour, s'ils sont à tel endroit, ce n'est pas pour rien, parce qu'il faut que les spectateurs voient, qu'on sache à combien de tours on est, mais il faut que les juges le sachent également, il faut que le conducteur du char le sache également. Donc si on a la preuve que le contour est à tel endroit, enfin le contour existe, hein, quand le contour c'est avec les œufs pour que le char en tête sache où est-ce qu'il en est, eh bien ce contour, nous avec le modèle 3D, on va se rendre compte qu'on ne peut pas le mettre n'importe où. Si on va pouvoir le mettre ici, et si on le met ici, on va pouvoir le mettre comme ça, parce que si on le met comme ça, tout le monde va le voir, et que si on le met dans l'autre sens, il n'y a que les spectateurs et pas les juges, etc. Donc tout ça finit par tisser des obligations qui font qu'on a après, parfois, on n'a plus qu'une solution, on n'en a pas plusieurs. Et on va pouvoir après démontrer cette solution. Alors ici, on est dans le Circus Maximus, on peut se positionner à la place des juges, la tribune principale, et on se rend compte, vous savez que le cirque est un peu cassé, un peu brisé dans son architecture vers le départ des boxes, les stalles de départ. Eh bien, c'est parce que d'ici, il faut absolument que les juges puissent vérifier si les chevaux se coupent la route sur la zone de lancement, puisque vous savez que dans la première zone de lancement, quand ils quittent les boxes qui sont dans le fond, en venant vers la piste, ils ne peuvent pas se couper la route. Ils ne peuvent pas passer l'un devant l'autre. Eh bien, le seul endroit dont vous pouvez vérifier ça, c'est d'ici. Et d'ici, c'est là où il y a la place principale des juges, qui est assez logique. Également, si on se met à la position de la loge impériale, on se rend compte qu'il a une bonne vue sur la course, mais surtout, on l'a placé où? À l'endroit où il y a le spectacle le plus fort, c'est à la sortie du virage. Parce que c'est ici que se passent les accidents, c'est là que les chars se roulent les uns sur les autres, c'est là que ça se renverse, c'est là où c'est complexe, c'est là où se joue la course. Et en fin de compte, l'empereur est le mieux placé pour identifier, pour voir ce qui se passe. Encore une fois, sans faire un parallèle un pour un, mais avec la formule, enfin les Formule 1, les voitures, eh bien, on s'amuse pas à mettre les gens là où il se passe rien. On les met vers la chicane, on les met vers les ravitaillements, on les met là où la voiture va le plus vite. C'est un spectacle. Et ce spectacle-là, on commence à mieux comprendre comment il est organisé. Également avec des robots intelligents, donc on peut faire des tests. Alors des tests sur la durée qu'il faut pour faire sortir le public, combien de temps il faut pour le faire rentrer. Et également, vous trouverez très couramment, et je crois encore l'exposition ici, on annonce toujours que le Circus Maximus est le plus grand édifice et qu'on pouvait rentrer 250 000 personnes dans le Circus Maximus. Le Circus Maximus, au IVe siècle, on ne peut pas rentrer plus de 100 000 personnes. On pense qu'on peut rentrer 85 000, 90 000. On a encore, je vous ai dit que les gradins étaient parfaitement calés. Ce qui manque, c'est la largeur de l'assise. Alors on est sur l'assise normale, mais il se peut que par endroit ils aient changé l'assise, donc ça, on n'a pas la preuve. Donc on peut faire osciller de 10 à 15 000 personnes, mais pas plus. Et donc on peut pas rentrer plus de 100 000 personnes, grand maximum, enfin 95 000, 90 000, dans le Circus Maximus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème là d'interprétation des sources anciennes. Et alors, bon, c'est peut-être simple, c'est-à-dire qu'effectivement, 250 000 personnes pouvaient avoir accès sans doute au Circus Maximus, mais nous, on dit pas le même jour, hein, parce que le même jour, ils rentrent pas, quoi. Donc, c'est des gens qui naissent peut-être à d'autres moments, mais pas ensemble. Voilà, donc c'est. Alors, oui, petit à petit, ces outils-là, plus ils vont être précis, mieux on va pouvoir interpréter les documents anciens, parce qu'on va pouvoir les revoir avec des idées de grandeur, avec des idées, des ordres de grandeur. Et de mieux comprendre tout ça. Donc c'est une sorte de mayonnaise qui prend et qui nous fait sortir ces édifices de l'ombre et mieux les identifier. Là, c'est des études de sonorité qui ont été faites dans l'édifice pour arriver à comprendre est-ce que la voix de l'empereur porte, jusqu'où elle porte à partir de la loge. Donc ça, on a fait intervenir, là par exemple, c'est une société suisse qui est spécialisée dans la sonorisation des grands stades et des grands ensembles. Là. Donc ils nous ont donné leur avis sur les possibilités sonores, ce qu'avait évoqué Mathieu tout à l'heure. Alors ces modèles-là, donc on va les utiliser comme ça scientifiquement. Et puis, eh bien, ils sont dans un accès plus facile pour le grand public. On va pouvoir pousser nos informations vers le grand public. Alors, il y a plusieurs façons. Par exemple, ici, c'est des imprimantes 3D, puisqu'on arrive à imprimer en 3D. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu anciennes, puisqu'on a fait ça dans les années 2000. Vous avez les éléments de l'édifice au dauphin, qui est un contour du Circus Maximus, qui était cuit. Donc là, vous avez le modèle virtuel ici, et là vous avez une réplique qui est au dixième, je crois, au cinquième, dixième, de l'édifice au dauphin qui est fait en résine par un système donc de four, enfin d'imprimante 3D. Donc on va refaire de la maquette. Alors je vous ai mis au passage, parce que ça, j'ai reçu ça hier ou avant-hier par internet. Ça c'est un amphithéâtre romain qui est à Bordeaux. Et donc c'était fait le mois dernier. À partir de modèles, on sort la maquette en résine avec une imprimante 3D. Et ce qui permet d'avoir, on peut faire un écorché, oui, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, puisque la différence des maquettes anciennes, on a également l'intérieur. Et ce qui fait que par rapport au public, on peut lui livrer une maquette, mais ce n'est pas la maquette qui nous a permis de réfléchir. La maquette, c'est juste une impression du modèle 3D avec lequel lui, enfin, on a pu réfléchir, qui nous a aidé à arriver à cela. Ensuite, ces données, il faut, disons, le modèle numérique peut nous aider à manipuler cette information hétérogène. Il y a tellement de données, les données textuelles, les données visuelles, etc., qu'on peut utiliser le modèle numérique pour manipuler toutes ces données. Alors, c'est encore un peu complexe comme technique, parce qu'il y a des techniques un peu chères, mais on y arrive. Et puis, il y a des techniques un peu moins chères qui permettent de le faire. Si tu as me mettre ouais, le nom le Google Earth, oui. C'est pas grave. Ouais. Voilà, c'est dans Google Earth, donc on peut insérer nos données et à partir de là, voilà le modèle, notre modèle, on peut également l'avoir sous cette forme-là. Enfin, là, on a mis que la spina pour le montrer. Alors, on a une partie. Excusez-moi, j'essaie de pas vous donner le mal de mer. On est un peu conditionné par la largeur du. Voilà, pour vous donner un peu. Donc, à partir de ça, on est capable donc de fournir le modèle à tout le monde. On le met quelque part, vous pouvez le voir chez vous sur Google Earth. Ce n'est pas encore le cas, parce que malheureusement, on n'a pas réussi à signer Google Earth. Je les ai rencontrés en 2007. On leur a donné les modèles, ils sont dans les serveurs Google Earth, mais le CNRS, donc le Centre de la Recherche Nationale Français, n'a pas réussi à signer de convention avec Google Earth. Je pense que le CNRS n'était pas d'accord parce que c'était gratuit. Mais bon, enfin, et toujours est-il que c'est pour ça qu'on ne peut pas le fournir encore au public. Mais ça devrait, j'espère, ne pas tarder. Et là-dessus, on peut mettre des éléments cliquables. De temps en temps, il y en a, bon, je ne l'ai pas sur ce modèle, qui vous permet de rentrer dans les bases de données, qui justifient à cet endroit-là pourquoi ça a été restitué comme ça. Oui, donc c'est un peu l'idée. Et puis, ce qui devient tout à fait passionnant avec ces technologies-là, c'est que par exemple, si par hasard quelqu'un n'était pas du tout spécialiste dans la salle de ces monuments, en le regardant, vous voyez comment ça fonctionne, vous voyez ce que c'est, vous comprenez visuellement ce que c'est, mais en même temps, c'est exactement ces mêmes modèles qui ont servi aux scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50 chercheurs, qui, pas tous en même temps, mais sont passés dessus sur 8 ans. Pour arriver à ça. Donc là, on a une synthèse qui est très très poussée, mais qui est en même temps celle que vous pouvez consulter. Et ça, ça devient, c'est un des aspects très importants et très intéressants de ces ensembles-là. Donc voilà, donc j'ai bientôt fini. Je crois qu'il reste une slide de l'autre côté. Oui. Alors, vas-y, je te laisse la mettre. Oui, moi, ça c'était. Voilà. Et puis alors après, on peut. On commence à utiliser un peu nos édifices comme des salles de spectacle, des décors pour des spectacles. Donc on peut faire des vidéos pour expliquer, donc des vidéos pédagogiques, etc. Et puis en même temps, utiliser pour comme on utilise un amphithéâtre antique pour y donner des spectacles, on peut également utiliser les modèles numériques pour pourquoi pas faire d'autres créations. Et pour le moment, on commence à être sollicité par rapport à la stéréoscopie et aux salles 3D et aux chaînes de télé 3D, puisque là nous avons plein de décors qui immédiatement peuvent être utilisés en stéréoscopie, alors que le faire avec des vrais édifices, ça va, c'est très cher parce qu'il va falloir générer toute cette 3D, alors que là on a déjà une 3D qui est accessible. Alors je crois oui, on peut attraper la vidéo pour. Ouais. Donc ça c'est juste une petite séquence dans une vidéo. Bon, les qualités là sont pas très belles parce que c'est avec les ordinateurs et tout ça, mais normalement on les a en haute définition, donc réellement très propre au pixel, mais là c'est un peu compressé. Donc ça c'est pour vous montrer qu'à la différence d'une maquette, on est dans le Circus Maximus sous les gradins. Donc là on a une étude de toute la circulation interne qui est pas faite n'importe comment, qui est par des repérages dans les fragments qui restent, des placements des poutres, des techniques connues de construction à l'intérieur. Donc on a réellement tout l'ensemble du monument qui est traité. Donc encore une fois, sur ce monument-là, il y a une grande partie maintenant qui est calée de façon très très précise, et puis d'autres qui restent au niveau d'hypothèses les plus probables, et progressivement on affine cela. Également, on n'a pas mis du gazon en bas, c'est des problèmes de carte graphique entre le vidéoprojecteur et l'ordinateur. En principe, c'est de couleur sable, mais le vert, ça fait un peu terrain de rugby. Donc là, c'est une grande différence avec les maquettes, puisqu'on va pouvoir se promener à échelle humaine. Il y a eu faudrait dans l'historique peut-être le mettre, il y a eu un usage intermédiaire qui était des maquettes, et on promenait des caméras vidéo dedans pour donner l'idée d'être à échelle humaine en se promenant dans les édifices. Pendant une période, on avait ce genre d'usage qui s'est fait. Et en fin de compte, ça anticipait sur l'usage de la maquette 3D. Voilà, donc c'était pour vous montrer, donc c'est juste un seul exemple. Peut-être pas repasser la parole pour conclure et répondre à vos questions. Voilà. J'aurais pu vous montrer des exemples et travailler sur plein d'autres aspects de la 3D, parce que la 3D c'est très très complexe, il y a un champ très très large des technologies qui s'ouvrent devant nous. Ça arrive à une vitesse grand V dans les centres de recherche. Ça envahit un peu tous ces espaces de recherche. Ça devient très complexe à gérer, mais très très prometteur avec des enjeux scientifiques réels devant nous. Mais là, ce soir, donc c'était dans le contexte de l'exposition, vous montrer juste un petit aspect par rapport à la ville et le plan de Rome. Donc pour conclure, en fait, on va voir, je pense que je vais avoir le temps de présenter peut-être deux autres exemples d'utilisation de simulation ou de maquettes virtuelles avec d'autres bâtiments de la Rome antique. Robert l'a évoqué un peu, les simulations permettent en quelque sorte de faire des voyages dans le temps, de faire des études empiriques, donc fondées sur l'observation et l'expérience. À propos de quelque chose, donc souvent dans notre cas, ce sont des bâtiments anciens, et d'analyser son fonctionnement comme le font les physiciens avec d'autres types de modèles physiques. Donc une chose qu'on est possible de faire, c'est d'y ajouter des avatars. On l'a vu un peu avec le Circus Maximus, maintenant on va le voir avec le Colisée. Donc grâce à l'intelligence artificielle, l'avatar peut percevoir l'environnement dans lequel il se trouve, il peut avoir des connaissances sur soi-même, ou sur l'endroit où il se trouve, et avoir des objectifs clairs et prendre des décisions et agir concrètement en fonction des paramètres qu'on va lui avoir indiqués. Donc, concernant le Colisée de Rome, en fait, il était généralement admis qu'il permettait à tous et chacun d'entrer et de sortir assez rapidement du bâtiment. Donc, il était un édifice exemplaire en ce qui concerne les déplacements d'une foule nombreuse, grâce à un système complexe de rampes, de corridors et d'escaliers. Un chercheur, en 1973, avança même l'idée que grâce à ce système si performant, que l'ensemble des spectateurs pouvaient quitter l'édifice en un maximum de 3 minutes. Donc, 50 000 à 75 000, dépendamment des estimations, pouvaient quitter l'édifice en 3 minutes. Néanmoins, comme pour la création des maquettes et des autres représentations de Rome, ce chercheur ne mentionne pas ses sources et comment il était arrivé à ce résultat. Donc, l'équipe de Rome Reborn a entrepris de tester cette hypothèse avec une simulation avec plusieurs milliers d'avatars qui pouvaient se promener dans l'édifice et trouver leur chemin et leur place sans s'enfarger, se rentrer dedans et ou traverser les murs. Donc, certains avaient une connaissance préalable de l'endroit, d'autres n'avaient pas de connaissance préalable, et les avatars avaient une place qui leur était attribuée, ils devaient s'y rendre, et ensuite, du moment que tout le monde avait gagné sa place, ils devaient faire le chemin inverse et ressortir de l'édifice. Donc, la simulation a réfuté l'idée qui est admise. La simulation avec les déplacements des avatars prouva hors de tout doute, du moins selon les chercheurs qui ont fait la simulation, et qu'il se créait en de nombreux endroits d'importants bouchons de circulation, contrairement à ce qui était généralement admis. Comme on peut l'apercevoir sur l'image de droite, le problème concerne surtout les étages supérieurs où se trouvaient les gens les moins nantis. Donc, dans le bas, pour les citoyens de classe supérieure, il n'y avait aucun problème. Toutefois, dans le haut, tout le monde devait passer par de petits, étroits et sombres corridors, donc il n'y avait aucune autre alternative, ce qui ralentissait forcément la circulation. Néanmoins, même quand on fait des simulations comme ça, ça reste une interprétation partielle. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer les résultats qui sont encore inconnus et qui risquent de toute façon de rester inconnus. Par exemple, combien de personnes entraient en même temps? Les spectacles pouvaient durer généralement toute la journée, donc est-ce que tout le monde arrivait en même temps? On peut en douter, mais néanmoins, ils devaient principalement quitter au même moment à la fin de la journée. Donc, plusieurs simulations devraient être faites pour en arriver à un résultat acceptable, sans compter que dans le futur, d'autres algorithmes plus intelligents, plus puissants, vont peut-être pouvoir venir remettre en question ces nouvelles hypothèses. Mais c'est quand même une application intéressante du modèle 3D pour tester des hypothèses. L'autre exemple, je vais sauter par-dessus celui-ci, on n'aura pas le temps de le voir. Donc, le dernier exemple concerne le forum de Trajan. Donc, ces expériences sont rendues possibles avec le virtuel, car contrairement aux autres types de représentations, on l'a vu, on l'a répété assez souvent, il est possible d'avoir une restitution un pour un et de se placer à l'intérieur des édifices, on l'a vu avec la vidéo. et aussi de voir ce que les anciens y voyaient de manière beaucoup plus assurée, comme pour la course de chars et l'endroit où l'empereur pouvait se placer. Ce qui offre des possibilités énormes pour tester des hypothèses admises depuis très longtemps. Donc, c'est souvent ça l'idée, c'est de tester des hypothèses qui sont généralement admises, mais qui, dans le fond, ne sont pas fondées nécessairement sur quelque chose de scientifique. Donc, c'est ce qu'a tenté l'équipe de Rome Reborn à propos du forum de Trajan. Donc, une question que les archéologues se sont toujours posée, c'est est-ce que la statue de Trajan au sommet de sa colonne, qu'on voit au milieu de l'image, donc à une hauteur de plus de 40 mètres, était visible lorsque nous étions dans le forum créé à son honneur? Donc, il y avait la présence de l'énorme basilique Ulpia qui pouvait empêcher les gens, ou du moins laisser croire aux archéologues que c'était impossible de le voir. Je vais y aller avec ça. En fait, on a le forum de Trajan. Est-ce que vous voyez le petit point rouge? Le forum de Trajan est ici. On a la basilique juste ici et la colonne à l'arrière. Donc, ce qu'on se demande, c'est si il était possible de voir la colonne du forum du même empereur. Et quand on se promène dans le modèle 1 pour 1 de Google Earth, eh bien, avec une maquette 1 pour 1, bien, il est possible de savoir que oui, c'était possible de le faire. Donc, même s'il y a très peu de réalisme, c'est vraiment pas important. Si les dimensions sont à l'échelle, c'est vraiment tout ce qui nous importe. Et les chercheurs se sont aussi rendus compte qu'il était possible de voir la colonne du forum de César. Donc, ce sont en fait, ce n'est pas si bête que ça à bien y penser, parce que le forum de César a été réaménagé par Trajan en 113 après Jésus-Christ. Il a réinauguré le forum de César la même journée qu'il a inauguré sa colonne. Donc, on peut comprendre qu'il a peut-être fait exprès pour qu'on puisse voir sa colonne et sa statue au-dessus. Donc, ce sont des questions qui peuvent paraître anodines au premier abord, mais qui peuvent être très importantes lors d'études à caractère plus social, donc toujours pour, on en revient à connaître les sociétés anciennes, comme la relation entre les diverses constructions faites par des empereurs différents, ou l'étude des cultes de l'empereur. Donc, le fait de voir une statue gigantesque de Trajan d'un forum d'un personnage aussi important que César devait avoir un impact certain, lequel, ce n'est pas à nous d'y répondre, mais maintenant, les historiens peuvent se poser la question. Donc, ça termine notre présentation. Il nous reste à remercier le Musée de la civilisation d'avoir accepté de qu'on puisse présenter dans cette magnifique salle, et aussi l'ITIS et le LAMIC pour avoir organisé cette conférence. Donc, on va sûrement avoir une période de questions, si vous en avez, à l'instant.